Chapitre 18e, les durs des stupes. Dès mon arrivée, comme si quelqu'un m'avait guetté, le bigot sonne. Je décroche et reconnais la voix aiguë de Costanza. Mon compteur d'adrénaline met son aiguille au taquet. « Alors, Volpi, t'y es content maintenant ? Fini, plus de barre. T'y as vu si ça va vite, quand on n'est pas gentil avec Costanza ? Mais j'en ai pas fini avec toi. Tant que je ne t'aurais pas écrasé la gueule avec mon talon, tu m'entends ? Je finirai par t'effacer de la terre, toi et ta poufiasse. C'est ça, fils de pute, chante, chante. Mais quand je t'aurai chopé, je te garantis que tu n'auras pas droit à un procès sur la tête de ma pauvre mère. » Je raccroche, car dans la colère, les expressions du trottoir et du terroir me reviennent, et je ne veux pas tomber dans les disputes de cacou, outrancier et vantard. Pas de parole, des actes, voilà ce qu'il faut, et vite. J'appelle dans mon bureau toute l'équipe. Je les mets rapidement au courant de ma soirée d'hier. Mes gars réagissent en grondant, me prouvant par là leur attachement. Je fais mon briefing. Priorité absolue, Costanza. Pour ce qui est du reste, continue les écoutes chez Meyer. Essaye de loger Rojo le Rouge. Je vais me creuser la cervelle sur le mystère des numéros. Au tableau noir, sous le contrôle de l'Antoine qui m'a passé l'info, j'écris les données du problème. À partir du 26 mai, les numéros sont 42, 52, 47 et 6, 18, 12. Le mec va habiter au 115 de la rue au 5e étage. Et voilà, avec ça, on va coffrer Desgains et sa bande. On sait déjà que ça ne peut pas être des numéros de téléphone. Même chose pour le numéro de la rue qui est une info en soi. De plus, on a maintenant le 5 qui doit lui aussi avoir son importance. Prenez ça sur votre carnet et réfléchissez dessus, aux chiottes par exemple, au lieu de lire le Charlie Hebdo ou Playboy. Une fois seul, je passe un coup de fil à mon proprio en lui expliquant ma situation actuelle. Bien sûr, cette dernière ne l'encourage pas à refaire l'appartement neuf, vu que j'ai une sale propension à faire détruire tous les logements que j'habite. Je crois que j'ai dépensé une communication pour rien. Il vaudrait mieux que je cherche un logement sur la Couronne ou Saussay, car je tiens mon petit bain de mer journalier. Bon, revenons à nos chiffres. À part les numéros de téléphone, quels sont les nombres à deux chiffres qui peuvent être regroupés par trois? Des dates, mais celles-ci ne collent pas, même si on les écrit à l'envers, à l'anglaise. Je compare les deux premiers tiercés, ceux que j'ai obtenus au magasin, 43, 18, 37 et 4, 59, 35, avec les deux nouveaux, 42, 52, 47 et 6, 18, 12. De 43, on passe à 42 et de 4, on monte à 6. Mais ça ne me dit toujours rien. Et si c'était des dimensions, longueur, largeur, hauteur, pourquoi pas? Ça correspond à peu près aux dimensions du paquet de coques qu'on a repêché. Oui, mais 4 et 6, ça ferait un paquet bien plat. Non, allez, je dis n'importe quoi. Je n'ai pas trouvé, et basta. Comme à mon habitude, quand je réfléchis, je vais poser mon front sur la vitre et admire la rade de Marseille et les îles. Savoir d'où venait le bateau qui livrait la came sur la balise. La Méditerranée est si vaste. Berthaud entre dans le bureau. Rien de neuf, patron. Les écoutes n'ont rien donné. Ce sont des coups de fil de clients qui lui demandent s'il n'a pas tel ou tel meuble. Il a téléphoné à Paris plusieurs fois à des confrères pour essayer de s'approvisionner, et c'est à peu près tout. Son numéro perso n'a rien donné, sauf un coup de fil passé d'une cabine. L'interlocuteur a dit « C'est pour quand ?» et Meyer a répondu « Pas avant le 26 ». Et c'est tout. Il y a gros à parier qu'une livraison va arriver le 26 mai. Mais où? Et comment? Voilà le hic. Il ne nous reste pas beaucoup de temps d'ici là. Et il faudrait trouver un bout de fil de la pelote, avant cette date. Ce serait chouette si on pouvait faire un flag et coincer Rojo à un chef, me dit Gargan. N'en rêve pas, Gary. J'ai bien une idée pour faire déjà tomber Meyer, mais je ne suis pas sûr de mon coup. Je ne voudrais pas faire une cagade. Vous dites ça pour qu'on vous demande d'expliquer, patron? « Non, pas vraiment. Mais dès que je suis au top, je vous mettrai au parfum, promis. D'ailleurs, j'aurai besoin de vous. »« D'ailleurs, pourquoi ne pas commencer tout de suite ? J'appelle d'abord Pardo, pour le mettre au courant et voir si, de son côté, il a du nouveau, mais aussi pour savoir s'ils sont toujours en possession du paquet de gamme que nous avions saisi après la balise. Devant l'affirmative, je décide de pousser plus loin ma démarche et je lui explique ce que je compte faire avec son aide. » « Il vaut mieux que ce ne soit pas toi qui intervienne, me fait-il. Tu risques de te faire griller parce que t'as pas suffisamment d'habitude de ces eaux-là. Je préférais utiliser un de mes gars, qui est bien plus rompu à ce genre de sport. Je viens te voir avec lui et on met l'opération au point. » En attendant Pardo, je bigophone à Sanchez pour lui demander quelques grains pour subsister jusqu'à la saison prochaine, c'est-à-dire le remboursement des assurances du bar. Gilda et moi allons devoir casser notre tirelire pour ne ni payer ni acheter le mobilier strictement nécessaire à une vie bourgeoise. Je n'ai pas encore trouvé de logement, mais il va me falloir de la thune, et je n'en ai pas suffisamment de côté. Sa réponse est puissamment affirmative, mais je lui fais bien comprendre, non sans mal, qu'il s'agit d'un prêt et non d'un don. Ensuite, un petit coup de fil à saucer chez Paula pour savoir comment va le moral de mon amour. « Ça va, » me dit Paula. « Ce matin, nous avons été porter plainte et faire la déclaration pour l'assurance. Cet après-midi, l'expert passera pour évaluer les dégâts. J'espère qu'on ne va pas tomber sur un abruti. » « Non, Paula n'est pas misanthrope. Je crois qu'elle est simplement lucide et expérimentée. Mais elle me passe mon petit trésor malheureux. »« Mais ce que nous nous disons ne te regarde pas, lectrice. » Toujours en attendant Pardo, je me replonge sur mon énigme des nombres. À quoi peuvent-ils bien correspondre, putain borgne? Peut-être des durées, en heures, minutes, secondes. Mais 43 ou 42 heures peuvent correspondre à un bien long voyage, avec une correspondance forcée. À moins que ce soit un déplacement maritime. Alors ça, c'est pas mal comme idée. Mais pour un voyage en bateau, on ne donne jamais une telle précision avec minutes et secondes, sauf s'il s'agit d'une course. Je sens confusément qu'il doit y avoir un rapport avec la mer, mais pour l'instant, je me nais complètement, c'est le cas de le dire. Pardo pénètre dans mon bureau sans frapper, comme d'hab, mais il y a longtemps que je ne m'en offusque plus. Il est accompagné d'une espèce de caraque qu'on n'oserait pas fréquenter, à la limite de la propriété minimale d'un citoyen. Je te présente l'inspecteur divisionnaire Panis. Ce n'est pas son nom, mais tu ne le connaîtras que sous ce blase-là. C'est Nas dans sa partie, et tu peux lui parler comme à ton confesseur. Bien. Eh bien, Panis, moi, c'est César. Bienvenue dans l'équipe. Et si vous pensez que mon plan est foireux, ne vous gênez pas pour le dire. Voilà. Nous allons demander à Carbona, avec contrepartie, d'appeler Meyer et de dire que lui, Carbona, a demandé à un pote de récupérer la cam qui était sur la balise après l'assassinat des Grecs et le fiasco de la villa de Carrie. Ni Meyer ni Carbona ne sont censés savoir que nous avons récupéré cette dernière livraison. Donc, tu te pointes chez Meyer, avec ta gueule enfarinée, Maître Panis, et tu essayes de lui fourguer la cam. À moitié prix ou peut-être plus, c'est à toi de voir. Une fois le paxon écoulé, nous intervenons chez Meyer et nous le flaguons. « Ouais, » fait Panis, dubitatif. Et si Meyer me demande, comme c'est certain, de livrer la cam ailleurs, dans un lieu pas possible, genre poubelle d'immeuble ou coffre de bagnole. Vous allez faire un flag, César, mais vous allez coffrer une broque de bas étage, qui parlera ou non, et vous allez faire un flop. C'est pas de mon avis, Pardo. Ce Panis, vraisemblablement d'origine parisienne, commence à m'énerver. Je me défoule en le tutoyant. Ça ne se passera pas comme tu le dis si tu lui laisses le paquet sur son bureau en lui expliquant que c'est déjà bien joli que tu te sois baladé sous l'eau, et que tu aies fait toute la côte bleue pour lui apporter cette dope à lui, Meyer. Tu lui diras que c'est à prendre ou à laisser. À la limite, tu peux même lui dire que tu la lui laisses pour pas un rond, mais que tu ne veux plus te la coltiner. Panis secoue la tête comme s'il venait d'entendre dans la plus grande connerie de la terre. Alors là, pour le coup, vous avez tout faux, patron. Il va se douter de quelque chose, c'est sûr. Vous savez pour combien il y en a dans ce paquet? C'est comme si vous faisiez cadeau des clés d'une Lamborghini en disant au gars, prenez-la parce que pour moi, c'est trop chiant à garer. Bon, eh bien je te laisse négocier le marché comme tu l'entends, lui dis-je. Mais nom de Dieu, il faut qu'il le garde, ce putain de paquet, et qu'il le foute dans une armoire, ok? Je sens chez Panis un regard surpris et amusé qui me prouve qu'il n'a certainement pas l'habitude de bosser avec des furieux dans mon genre. Bon, ne vous excitez pas, boss. Je vais essayer de faire ce que vous demandez. Mais si ça merdoie, il faudra dépoter vite, parce qu'on sera grillé pour un bon bout de temps. Je vous le dis, commissaire. Ah, que j'aime pas son accent parisien. Et puis il le prend un peu trop à l'aise avec moi. On n'a pas gardé les vaches ensemble, non? Bon, calmos, s'il est efficace, je le féliciterai quand même. Comme s'il avait perçu mes sentiments, il prend un air sérieux et professionnel pour s'adresser à Pardo et à moi. Voilà ce que je vais faire. Je vais mettre le paquet dans un sac de sport. Si vous me voyez sortir sans le sac sous le bras, vous pouvez lancer les grandes manœuvres. Ne tardez pas trop. Il ne faudrait pas qu'il ait le temps de planquer la dope dans un endroit invraisemblable. Je demande à Pardo de faire intervenir ses hommes, puisqu'il s'agit d'une affaire de stup, c'est plus normal et au cas où il y aurait une cagade, on me demanderait ce que je foutais dans cette affaire, et je serais mal barré. Parvenus sur les lieux, les hommes se mettent en planque sur le trottoir du magasin et d'autres dans la rue Dragon pour surveiller une autre sortie éventuelle du magasin. Panisse entre en action et chacun de nous forme des vœux muets pour que tout se passe comme prévu. D'en face, un tireur d'élite a pris Meyer en ligne de mire à travers sa vitrine au cas où il déciderait de jouer au cow-boy sans préavis. L'attente nous paraît interminable, mais finalement, Panisse ressort du magasin, les mains dans les poches, traînant ses baskets et son flegme. Pardo attend toutefois la confirmation d'un signe de l'inspecteur, et l'ayant reçu, il sonne la charge. Personnellement, je reste avec Panisse, que Meyer ne doit plus revoir. Alors comment ça s'est passé, je demande, impatient. Comme vous l'avez prévu, commissaire. Il a tiqué un peu au départ, il m'a dit que je m'étais trompé d'adresse. Alors j'ai repris mon paquet, tranquille, en lui disant que Carbona m'avait envoyé sur un coup foireux, mais que ce n'était pas grave, puisque j'avais de quoi assurer mes fins de mois maintenant. Et j'ai fait mine de partir. Putain, si vous l'aviez vu se remuer le fion. Il m'a arraché le paquet des mains et a goûté la cam. Il a paru satisfait. Tu parles, c'est de la pure. Et pour le prix? J'ai demandé les trois quarts de la valeur et j'ai pris un acompte à valoir sur le solde. Et ce disant, il me montre une liasse de bifetons qui dépasse de sa poche. Tu vas les rendre, fais-je ingénument. C'est ça, mon petit père. Et les faux frais alors? Qu'est-ce que vous en faites, hein? Ne vous occupez pas, c'est nos affaires, ça. Putain, qui m'énerve, ce mec. Vraiment, il y en a de spéciaux chez nous, faut le reconnaître. Bon, mais maintenant que nous avons Meyer, il va falloir remonter à Rougeau. Et je serais étonné que l'antiquaire se mette à cafeter. Je vois déjà sa ligne de défense. Il va jouer à la méprise, nous donner le signalement de son livreur, faire le mec qui n'a rien compris à ce qui lui est arrivé et battre un coup fin. C'est pour cela que, si besoin est, je serai obligé de balancer Panisse pour les bifetons qu'il a touchés, car il constitue une preuve de la culpabilité de Meyer. Même les flics en disent des fois trop. De toute façon, j'en connais un qui doit commencer à avoir chaud aux fesses et qui doit voir rouge le rougeau. Si on arrivait à le loger avant cette fameuse date du 26 mai, ça serait bien. Mais qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Vraisemblablement un nouvel arrivage, mais où? That is the question. Juste au moment où les hommes de Pardo embarquent Meyer, une puissante kawa déboule sur le trottoir à fond les ballons. L'homme à l'arrière fait feu par deux fois avec un gros calibre muni d'un silencieux. Nous sommes tellement escagassés que personne ne songe à riposter. Quand enfin, une fraction de seconde plus tard, tout le monde défouraille, la moto est perdue dans le trafic et Meyer n'est plus qu'un corps terminé par un gros chou-fleur rouge qui perd sa sauce tomate. De retour au bureau, je raconte à ceux qui n'étaient pas là la prise et le meurtre de Meyer. Nous aurons peut-être une piste grâce aux écoutes téléphoniques, mais rien n'est moins sûr. Je les interroge pour savoir où ils en sont de la traque de Costanza. Rien pour l'instant. Rien non plus pour l'énigme des chiffres. Personne n'a trouvé quoi que ce soit. Il faut vous remuer le yaourt, les belous. Réfléchissez dessus. C'est quand on s'y attend le moins qu'on trouve. Notre cervelle finit par travailler toute seule et pof, eureka! La solution coule d'elle-même, comme par miracle. Il vous en faut beaucoup à vous, des miracles, me lance ce bain sarcastique. Et alors, couillon? Je suis sans domicile fixe, mais je garde l'espoir. Et puis moi, je garde le sourire, au moins. Ouais, fait-il, peu convaincu par ma répartie. À midi, je décide de rentrer à Saussay pour maintenir le moral de ma petite chatte et pour contrôler, ne le dites pas à Paula, si les déclarations étaient faites correctement. Le rapport que me font mes deux brunes me ravit et me conforte dans le fait que les femmes sont supérieures aux hommes dans certaines circonstances. J'insiste sur certaines. Elles ont effectivement pensé à des clauses qui ne me seraient même pas venues à l'esprit. Moi qui ai fait du droit, tu parles. En aparté, je mets au courant Gilda de mon intention de trouver une location quelconque et pas trop loin de la mer. À sa réponse, je m'aperçois qu'elle confond mère et mère, mais je ne relève pas la méprise. Elle conclut à voix basse, en parodiant une chanson. « Où tu iras, j'irai ?» De retour à SRPJ, Esposito me court après dans le couloir. « Commissaire, j'ai du nouveau sur Costanza. » Un indique l'a localisé à l'Estac. Il occuperait le logement de Sauveur Bergame, au boulevard Falaise. Il arrive quand la nuit est tombée et il repart au petit matin avec une 4L de l'EDF qu'il a dû chouraver ou est maquillé. L'indique est formel, il s'agit bien de lui. Il est discret, ton indique. C'est un de mes meilleurs commissaires. Ce type n'a rien à se reprocher, il fait ça pour le sport, comme qui dirait. Le reste du temps, il joue de la guitare et il y tâte. Bon. Eh ben, dis-lui de faire le mort pour l'instant, et de continuer à surveiller. On va le cueillir à poil, ce fils de pute de Costanza. Et encore merci, Zito, t'es le plus fort. Tu n'as qu'à laisser tomber la surveillance de son domicile à Cari. Il sait bien que cet aparté est surveillé, et du moment qu'il continue à le croire, l'objectif est atteint. Le soir n'apporte plus la détente et la sérénité d'avant. Gilda est tendue, anxieuse. Paula est préoccupée et peinée de voir sa fille dans cet état. Quant à moi, j'erre entre tristesse, colère et découragement. Nous nous sommes un peu vengés sur les spaghettis vongoles, arrosés d'un prosecco, mais le cœur n'y est pas. Pourtant, je suis entre deux femmes qui m'aiment et cela devrait suffire à me combler. Mais non. Après le repas, une fois la vaisselle pliée, avachie sur la banquette, je laisse aller mes yeux. Du panorama qu'on a de la fenêtre, aux gravures suspendues au mur. Paula possède une belle carte de la Méditerranée tout entière, de Gibraltar au Liban. Je m'en approche et refais le trajet qu'ont dû suivre Sanchez et sa famille en bateau. Bien sûr, par la route, ça fait une trotte, mais en cabotant par petites étapes et par bonne mer, avec la bonne mer, c'est jouable. J'imagine les ports où j'aurais fait escale si j'avais fait le voyage. Qui sait, peut-être que la cam trouvée à Caro a suivi le même chemin. À moins qu'il ne provienne d'un porte-conteneur de Fos-sur-Mer, on verra bien. Notre nuit se passe comme celle de beaucoup de gens. Réveil fréquent, entrecoupé de cauchemars ou de pensées obsessionnelles, et au matin, le sentiment que, tout compte fait, il aurait mieux valu ne pas dormir. Seule consolation et de taille, il fait un soleil radieux. Comme le dit le grand Charles, pas celui-là, l'autre, qui n'est pas grand par la taille, mais autrement. La misère est moins pénible au soleil. Au bureau, c'est la cata. Tout le monde est violemment contrarié de la mort de Meyer. C'est comme si on nous avait enlevé de dessous le nez un plat d'oursin bien frais, alors qu'on a déjà coupé les morceaux de pain. Déçu de chez déçu, voilà ce que ressentent l'équipe de Pardo et la mienne. Toutefois, les gars de l'écoute téléphonique ont noté un appel juste après le passage de Panis chez Meyer. Voilà ce que ça donne. « Allô, c'est Meyer. On vient de me porter votre commande de porcelaine chinoise. Il faut venir la chercher. »« Vous vous trompez de numéro, monsieur, » répond une voix compassée, sans accent. « Vérifiez bien votre adresse. » Et le correspondant a raccroché. Le numéro appelé, c'était celui d'un bar du côté du Prado. Les hommes sont déjà partis surveiller discrètement le troquet avant de cuisiner le patron. Nous restons complètement babas devant la vitesse de réactivité de cette bande de tueurs. Ils ont des points relais, comme la redoute, sinon c'est impossible autrement. Vers 11h, coup de fil de l'équipe en planque, c'est Berthaud qui s'y colle. « Devinez qui est venu dans le bar ?»« Dis, tu crois que c'est le moment de jouer aux devinettes ?»« Abruti, va. C'est le beau gosse, le préféré de ce banc. »« Vous l'avez suivi, au moins ?»« Il fallait. »« Non, je déconne, chef. »« Il est entré dans une villa à côté, une putain de baraque, avec clôture et portail en fer forgé, cour intérieur, percé des sauts de gamme et tout le toutim. » Mais avis que ça doit être la tôle du père Rougeau, pour sûr. Parfait. Donne-moi le numéro. Bon. Continue à planquer. Et quant à toi, Berthaud, j'ai bien envie de te foutre un blâme aux fesses pour t'apprendre à plaisanter à bon escient. Berthaud sait bien que je ne le ferai pas. Mais quand même, c'est rigolo. Il faut toujours les recadrer de temps en temps. Mettez sur écoute la villa du Prado dont voici l'adresse. Dès qu'il y a quelque chose, prévenez-moi. N'importe où, n'importe quand. À midi, déjeuner entre patron, quai des Belges. Nous sommes quatre, comme les trois mousquetaires, le patron, Michaud, Pardo et moi. Le dénouement de l'affaire est peut-être imminent, et quel que soit celui des trois qui prennent le commandement, il est indispensable que la coordination soit parfaite pour être efficace. Je suis tout excité à la pensée que, peut-être, nous allons pouvoir nous payer un gros bonnet, qui nous fait cavaler depuis des années, que nous croisons dans les réceptions et les œuvres de charité. Un mec à qui plusieurs gamins doivent leur gourmet de baptême ou de communion, et qui de source sûre a été proposé pour la Légion d'honneur, alors qu'il a déjà le mérite national et le mérite agricole. Ce qui est normal, vu qu'il a fortement soutenu la culture de la coca, du pavot et du chanvre. Pardo, c'est à toi que revient de prendre la tête des opérations, dis-je. Non, je préférais que ce soit toi, Gino. Tu as plus de punch que moi, et puis tu y vois mieux, fait-il en se marrant. En ce moment, j'ai des soucis et j'ai peur de foirer le coup si je dois tout coordonner. J'ai plus de maison, plus de costard. Ouais, mais il a une femme, patron, qui vaut tous les trésors de la terre. C'est vrai, fait le dire l'eau. J'ai le plaisir de lui être présenté et je dois reconnaître qu'il n'en a pas beaucoup comme elle. Aussi, bon, patron, faites-moi plaisir, arrêtez avec ça et prenez la direction des opérations. Après tout, c'est un client à la taille de votre fonction, non? Si vous y tenez. D'une façon ou d'une autre, je serai responsable, alors. À trois, nous lui faisons une récap aussi précise que possible de la situation. Je laisse de côté l'épisode Costanza qui n'est pas en prise directe avec l'affaire. Bien évidemment, l'énigme des nombres revient sur le tapis. Je sors mon carnet et les montre au patron qui reste dubitatif. « De toute façon, dit-il, la date du 26 est fatidique. C'est ce jour-là ou jamais. » Certes, mais si nous n'avons pas trouvé la solution du problème avant, tout est foutu. Il nous reste 3 jours, c'est tout. Vers 5 heures, coup de fil affolé de Paula. Aïe, qu'est-ce que c'est encore? Gilda est partie depuis 2 heures acheter du pain dans la rue derrière. Il n'est pas revenu. J'ai eu beau la chercher dans tout le quartier, interroger les passants, ça n'a rien donné. Si elle était partie faire un tour au bord de mer, elle m'aurait prévenu. Ne t'affole pas, Paula. Est-ce que la boulangère l'a vue? Oui, elle s'en souvient bien. C'est après elle qu'elle a dû aller quelque part. Mais où veux-tu qu'elle aille? Elle ne connaît personne près de chez toi. Écoute bien, Gino. Peut-être que tu auras plus de chance que moi. Punaise, il ne manquait plus que ça. Mais qu'est-ce qui lui a pris à ma puce? Elle n'a tout de même pas fait une fugue, pas à son âge. Elle a toujours une conduite carrée, aux antipodes du fantasque, et cette absence ne lui ressemble pas. J'allais partir, quand Zito, une fois de plus, me court après dans le couloir. « Venez vite au téléphone !» Il repart en courant, moi sur ses talons. « Voilà, il arrive, je vous le passe. »« Tu sais qu'elle est vraiment jolie, ta poupée, Volpi ? Même de près ? De très près, même. »« Je peux pas te la passer, parce qu'elle va se mettre à bramer et à affoler tout le quartier. »« Je n'aurais pas cru qu'elle supporte aussi bien le pain total. »« Ah, c'est une coriace, hein ? Le problème, ça va être pour la nourrir. » Comme je ne peux pas lui libérer la bouche, elle risque de maigrir un peu. À moins que tu fasses ce que je te dis. Vas-y. Tu laisses tout tomber sur le rouge et dans quelque temps je te rends ta gonzesse, si possible en bon état. Quelle garantie tu me donnes que tu feras ce que tu dis? La garantie que tu feras ce que je demande, mec. Et là-dessus, ce fumier raccroche. Tâche des corps. Tant que je ne l'aurai pas tué, celui-là, je ne serai pas tranquille. Il faut qu'il meure, cette fiotte. C'est la seule solution. Zito. Ton indique est toujours au boulevard Falaise. Il faut que tu le joignes et qu'il nous dise où est Costanza. Il vient d'enlever ma femme, cet enfoiré. Esposito s'exécute sur le champ, heureusement avec succès. Le renard est au terrier, mais il n'est pas venu les mains vides. Il a débarqué un gros paquet de sacs à trelle et depuis il n'est pas ressorti. C'est Gilda, c'est sûr. Fonce, il me faut une équipe et pas des manches, hein? Je bigophone en vitesse à Paula pour qu'elle cesse de s'inquiéter. Je vérifie le fonctionnement de mon Beretta, prends un fusil à lunettes pour le tir de précision et nous voilà partis à fond la caisse avec 2 bagnoles. En chemin, j'explique clairement à Esposito ma ferme intention de faire la peau de Costanza, quoi qu'il advienne. J'ai une petite idée sur la façon dont peuvent se passer les choses et Fuadrital, je ne manquerai pas l'occasion. J'hésite encore sur la manière d'intervenir et l'expose à Zito. Première solution, nous lui tombons dessus comme une tornade blanche en faisant immédiatement exploser la porte. La maison est petite et on aura vite fait d'être au contact de l'ennemi et de ses pruneaux. J'ai bien peur que Gilda en prenne un, ainsi qu'un ou plusieurs de mes hommes d'ailleurs. Dans le feu de l'action, il faut que j'arrive à descendre le Mario, sans être veuf pour la deuxième fois. Deuxième solution, nous arrivons coulos, un par un, et nous nous planquons hors du champ de vision du truand. On tape à la porte, pas de réponse, très certainement. Police, ouvrez! On attend que le mec se pointe, on finit par enfoncer la porte. Ça laisse le temps à Costanza de préparer une sortie et il est gros à parier qu'il va tenter de la faire en prenant Gilda comme bouclier, en menaçant de lui faire exploser la tête. Classique, quoi. On le laisse sortir de là. Si je le rate avec mon fusil à lunettes, j'ai plus qu'à me flinguer. En entrant dans l'estac-gare, Esposito finit par me dire « Il faut choisir la deuxième solution, c'est la moins risquée pour votre femme, mais vous avez raison. » Commencez à faire des prières pour ne pas le rater. Je vous conseille de vous mettre à la bonne distance, bien planqué. S'il ne soupçonne rien, c'est jouable. Vous tirez bien au moins? Il me lance un regard plein de sympathie et d'humour qui me va droit au cœur, dans l'angoisse que j'éprouve. Nous garons les voitures dans la rue principale. Le boulevard Falaise est tellement petit que notre arrivée serait vite repérée. J'enroule la carabine dans un vieil impair qui traînait dans la bagnole. Je suis le dernier à m'engager dans le petit boulevard. Tout à coup, je pense que celui qui disait que le crime ne profite jamais n'était pas loin de la vérité. Putain que c'est dur! Je prends position dans un petit jardin près de l'école maternelle, heureusement fermé, en face de la maison derrière un bosquet. Esposito mène l'opération selon le plan arrêté, mais tout ne se passe pas comme prévu. Au coup frappé à la porte, Costanza ouvre une fenêtre au premier, se planquant derrière Gilda, copieusement saucissonné de scotch d'emballage. Il doit certainement lui pointer une arme sous la nuque. Il se met à vociférer, mais je ne comprends pas ce qu'il dit. Il y a gros à parier que ça doit vouloir dire ce que nous avions prévu qu'il dirait. Très pâle, Gilda jette des regards affolés de tous côtés. Tout à coup, elle se laisse glisser comme victime d'un malaise. L'autre, surpris, est alors à découvert et regarde à ses pieds. Un dôme métallique et, à son tour, la tête de Mario disparaît de la fenêtre. C'est fini. Ça n'a duré que quelques secondes, le temps que je reprenne mes esprits. Gilda réapparaît lentement à la fenêtre. Je suis assez loin d'elle, mais je perçois tout de même dans ses yeux une horreur indicible. Je sors de mon buisson et je sens avec bonheur son regard changer. Dès que j'entre dans la maison, je cherche les cagouins. Cette tension insoutenable, la peur de rater mon coup, de tuer Gilda et enfin, les scampis de midi ont semé en moi une révolution. J'arrive juste à temps pour me vider par le haut et le bas. Je me sens tout à coup lavé de toute cette angoisse et de toute cette haine. Après un verre d'eau dans la cuisine, je monte au premier. Zito a libéré Gilda de ses liens au visage et au poignet, mais il reste les cheveux, opération délicate et douloureuse. « Laisse, » fais-je à Esposito, « je ferai ça à la maison avec un séchoir. À chaud, ça se décolle beaucoup plus facilement. » Je prends dans mes bras Gilda, le plus tendrement possible, et l'embrasse sur la joue, doucement. Hors de question que nous nous roulions un palot devant mes hommes. « Ça va, commissaire? Vous avez été malade, j'ai entendu. »« Ouais, j'ai attrapé la cagagne, et j'ai pas honte de le dire. Ça se comprend ?» Je jette un coup d'œil sur Costanza, étalé dans son sang. Toute haine a disparu en moi. Ce n'est qu'un pauvre type pour lequel la route s'est arrêtée, alors que pour moi, elle continue. C'est un homme, et maintenant ce n'est plus rien. Soudain, je fais le vœu d'assister à ses funérailles, pour lui, et en mémoire de son frère. Commissaire, vous devriez ramener Gilda à la maison. J'attendrai l'équipe avec le légiste. Laissez-moi votre arme. Dans la voiture, aucun de nous ne dit un mot. Nous voilà encore liés à l'autre par un mort. Mais c'est la vie. Oxymore.